بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on reprend le cours d'hier comme on avait commencé, étant donné que il y avait un problème avec l'enregistrement. Donc on reprend inshallah à partir de l'endroit où on a commencé hier, c'était le cours 41. Donc c'est le cours de Aqidatu Ahlus Sunnati wal Jama'a de Cheikh Salih, de Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymeen, et on est arrivé dans le livre du Cheikh où il explique al-Istiwa, l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de al-Istiwa, al-Istiwa 'ala al-Arsh. Et donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône, comme il le dit dans plusieurs versets dans le Coran, ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit à ce sujet, واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته ولا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de son trône, c'est la signification de al-istiwa. C'est la signification de al-istiwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de son trône par son être, par sa personne. Et il est élevé d'une façon qui convient et qui correspond à sa majesté et à sa grandeur. Et personne ne sait le comment de son élévation sur le trône, excepté lui. Subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui soit comparable à lui ou comme lui, yani, parmi ses créatures. Rien ne lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Donc, on va continuer dans donc l'explication à partir de l'endroit où on s'était arrêté. Le cheikh, il commence à expliquer le fait que nul ne connaît le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala excepté lui, et il explique en même temps la parole de l'imam Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra rahimahullah. Il dit thumma innana la na'lamu kayfiyat istiwa'ihi subhanahu wa ta'ala li'anna hadha min umur al-ghayb wa qad akhbarana 'anhu wa lam yukhbirna 'an kayfiyatihi wa law kana dhalika khayran lana la akhbarana. فوجب علينا الوقوف وعليكم السلام ورحمة الله فوجب علينا الوقوف على ما ورد ولا نتعداه ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق برأسه حياء وخجلا وأخذ يتصبب عرقا من شدة ما ورد على قلبه فأنتقه الله تعالى بهذه الكلمات التي تناقلها العلماء وارتضوها وجعلوها أساسا لبقية الصفات فقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا وما أظنك أو ما أراك إلا مبتدعا أي ما أعلمك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد. Donc ici le cheikh il dit que nous ne savons pas comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône, parce que cela fait partie des choses de l'invisible, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé du fait qu'il s'est élevé sur son trône, mais il ne nous a pas donné d'informations sur le comment de son élévation sur le trône et comment al-istiwa se produit. Si c'était quelque chose qui était bénéfique pour nous ou bon pour nous, il nous l'aurait dit, il nous l'aurait mentionné. Et donc à partir de ce moment là il faut comprendre que il faut s'arrêter à cet endroit là et ne pas dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui a été rapporté de l'imam Malik rahimahullah lorsqu'on lui a posé la question, Ya Aba Abdurrahman, Ya Aba Abdullah, الرحمن على العرش استوى كيف استوى او ابو عبد الله سليمان مالك سكنيا سي ابو عبد الله Donc il dit, oh Abu Abdullah, quand Allah il dit dans le Coran, ce qui signifie le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône, comment s'est-il élevé sur le trône? Kayfa stawa, comment a-t-il fait al-istiwa? Et l'imam Malik à ce moment-là, il a hoché sa tête, par honte, par gêne, par embarras de cette question, qui est une question déplacée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a commencé à avoir des sueurs sur son front à cause de la gravité de la question. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait dire des paroles à ce moment-là qui ont été par la suite transmises de génération en génération parmi les ulama, et que les ulama de l'islam ont agréé, et ils en ont même fait une règle. Ils ont fait de cette parole une règle qui est restée et qui s'applique également à toutes les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a répondu à cet homme en lui disant, ô toi, sache que al-istiwa, le fait qu'Allah est élevé sur le trône, ce n'est pas quelque chose qui est inconnu dans la langue arabe. C'est quelque chose qui est connu. Wal-kayfu ghayru ma'qul, et le commun, c'est pas quelque chose qui peut être compris par la raison ou logiquement. Wal-imanu bihi wajib, et le fait d'y croire est une obligation. Et la question à ce sujet-là, de poser la question au sujet du commun des attributs d'Allah, yani c'est une bid'a, c'est une innovation. Et je ne te vois que comme étant un innovateur. C'est-à-dire, je ne te connais que comme étant un innovateur. Et il a ordonné que la personne en question soit expulsée de la mosquée, qu'elle soit sortie de la mosquée, parce qu'il a posé la question à propos du commun des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un exemple des punitions que les ulama des salaf donnaient aux gens de bid'ah pour les humilier ou bien pour les punir. Par exemple, ici on voit que l'imam Malik il fait sortir cette personne de la mosquée. Il fait sortir cette personne de la mosquée. Et c'est quelle mosquée? C'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-masjid al-nabawi. Parce que l'imam Malik, toute sa vie, il a vécu à Médine. C'est l'endroit où il a vécu toute sa vie. Et donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'endroit où il donnait ses durus, ses cours. Et c'est la preuve qu'il est permis d'expulser quelqu'un d'une mosquée. Que c'est permis d'expulser quelqu'un d'une mosquée lorsque cette personne-là fait du désordre, lorsque cette personne appelle à des innovations et à des bid'as. Et on a mentionné aussi hier l'exemple de la personne qui pose des questions aux ulama, pas pour apprendre sa religion ou pour comprendre qu'est-ce qu'il ignore, mais plutôt pour embarrasser les ulama, ou bien pour les mettre dans une situation difficile devant les gens. Donc ça, c'est ici l'exemple d'une telle personne qui pose des questions à l'imam Malik pour semer des doutes et des shubuhat dans le cœur des gens. Donc l'imam Malik, rahimahullah, il a répondu par cette réponse qui est restée gravée dans l'histoire et qui nous est parvenue jusqu'aujourd'hui, et qui a servi, comme on a expliqué, d'une règle pour comprendre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre version de cette parole, il dit al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah wa hadha naqlun lin-nass bil-ma'na wa illa fa innal manqul bis-sanad al-istiwa'u ghayru majhul wal-ma'na annahu ma'lumun fi al-lughah al-arabiyyah wa ma'na istawa 'ala kadha fi al-lughah al-arabiyyah ay 'ala 'alayhi. Donc le cheikh il explique qu'il y a d'autres narrations de cette parole de l'imam Malik qui sont transmises, qu'on retrouve dans les paroles des ulama dans les livres, et elles sont en réalité c'est comme des paraphrases. C'est comme si on a paraphrasé la parole de l'imam Malik, ou on l'a transmise par son sens, en disant que al-istiwa il est connu et que le commun est ignoré, on ne connaît pas. Et la foi est obligatoire en cela, et que de poser la question à son sujet, c'est une innovation. Donc ça, c'est une des narrations qui est transmise de l'imam Malik à ce sujet-là. Toutefois, cette version de la parole de l'imam Malik, elle a le même sens, mais ce n'est pas la version qui a été rapportée avec la chaîne de transmission. La version qui a été transmise est rapportée avec la chaîne de transmission. La différence avec celle-là, c'est ce qu'on a rapporté en premier. Al-istiwa ou ghayr ou majhoul. Au lieu de dire ma'loum, il dit ghayr majhoul. C'est-à-dire, c'est la même chose. Ma'loum, ça veut dire qu'il est connu. Et ghayr majhoul, ça veut dire qu'il n'est pas inconnu. D'accord? Et al-kayf majhoul. Al-kayf majhoul, ça veut dire le kayf, il n'est pas connu. Et dans l'autre narration qui est rapportée avec l'isnad, l'imam Malik dit « Wal-kayf ghayr ma'qoul ». C'est-à-dire, le comment ne peut pas être compris rationnellement. Donc c'est ça la différence entre les deux paroles, sinon le reste c'est la même chose. Et la signification de « al-istiwa ghayr majhoul », « istiwa » n'est pas inconnu, ça signifie, comme le cheikh il le dit, que le mot « istiwa », il est connu dans la langue arabe. C'est pas un mot qui est inconnu, c'est pas un mot étrange, c'est pas un mot nouveau, c'est pas un mot qui est bizarre pour les Arabes. Lorsqu'ils entendent al-istiwa, ils savent tout de suite qu'est-ce que ça signifie, surtout lorsque c'est employé avec ala. Istawa ala kada, dans la langue arabe, ça veut dire ala alayhi. Ça veut dire que ça yani monter par-dessus quelque chose. Et l'autre partie de la parole de l'imam Malik, wal kayfu ghayru ma'qul, أي لا يدركه العقل وإذا لم يدركه العقل فصار مرجعه إلى السمع وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف فمهما أردنا أن نتصور كيف استوى لا نستطيع أبدا. Donc le cheikh il dit que le comment il n'est pas connu par la raison, il ne peut pas être connu par la raison ou rationnellement, parce que c'est quelque chose qui est impossible. On ne peut pas comprendre le comment de l'élévation d'Allah sur le trône par la logique, par la raison. C'est quelque chose qui ne peut pas être compris rationnellement. Donc, il faut se limiter à la révélation à ce sujet-là. Qu'est-ce que Allah a mentionné dans le Coran à ce sujet? Et si quelque chose n'a pas été mentionné ni dans la révélation à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne peut pas le connaître par la raison, alors ça signifie qu'il faut s'arrêter là. On ne doit pas dépasser la limite de ce qui est rapporté dans les textes à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc peu importe comment on essaierait ou on voudrait essayer d'imaginer l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment il s'est élevé sur son trône, on ne serait pas capable de le faire. Ce ne serait pas possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit par exemple, لو قيل لك إن فلانا مستو على سريره في بيته الآن فلن تستطيع أن تتصور كيفية استوائه وهذا هو بشر وهو بشر وموجود عندك في الأرض فكيف بالخالق سبحانه وتعالى فوالله من ادعى كيفية استوائه على عرشه فهو كاذب وراجم بالغيب. Donc le cheikh il dit que même aujourd'hui, si par exemple quelqu'un te dit qu'il est quelqu'un te dit qu'il est allongé sur son sofa ou sur son lit ou sur son fauteuil ou sur sa chaise, aujourd'hui on dit qu'il est élevé sur sa chaise ou il est installé sur son fauteuil, tu ne pourrais pas savoir exactement dans quelle position ou de quelle manière il s'est installé sur ce fauteuil ou comment il s'est positionné sur ce fauteuil. Et ça, c'est un être humain qui est présent sur terre. Alors que dire du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, personne ne peut essayer de prétendre connaître le comment de l'élévation d'Allah sur son trône. Et s'il le fait, alors il est menteur. Il a menti en le prétendant. Et c'est comme s'il parle sans science à propos du raib. Et ça, c'est grave. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, il mentionne comme ça des fois des choses comme si quelque chose tu l'as pas, Allah te l'a pas dit, tu peux pas le savoir. C'est comme si par exemple je te dis un tel frère il a une voiture, mais je te dis pas quelle sorte de voiture, quelle marque de voiture, quelle année, quelle couleur, quel modèle. Est-ce que tu peux deviner comment elle est sa voiture? Non. Tu sais de façon générale qu'est-ce que c'est une voiture, Mais le détail pour sa voiture, tu ne peux pas. Si tu commences à affirmer, c'est une voiture rouge de marque Toyota, hein, de modèle, tel modèle, hein, Camry, est-ce que tu peux yani, le dire avec affirmation? Non. Tu fais juste essayer de deviner, mais le comment réel, tu ne le connais pas. Donc si c'est le cas à propos d'une créature et d'une chose sur terre, on ne veut pas deviner quand on ne connaît pas le commun, alors que dire de Allah subhanahu wa ta'ala et de comment il s'est élevé sur le trône et ses attributs, puisque cela fait partie du raïb, et c'est des choses que personne n'a jamais vues et que personne ne peut même imaginer. Hein? Même dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il y a dans le paradis des choses aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille n'a jamais entendu, aucun cœur n'a jamais imaginé. Même des fois c'est les mêmes noms, mais leur réalité c'est des choses différentes, hein? Alors si c'est le cas pour des choses que Allah a créées dans le paradis, qu'on ne peut même pas les imaginer réellement comment elles sont, hein? Allah, il nous dit des choses à propos du paradis, on les entend, mais la réalité de ça, comment? On ne sait pas. Hein? Quand il nous dit qu'il y a des ruisseaux dans la rivière, des ruisseaux de miel, des ruisseaux de vin, des ruisseaux d'une eau pure et des ruisseaux de lait, hein? Zanjabil, il nous parle des Hur al-Ain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand on regarde, on voit à travers leur chair, on voit la moelle de leurs os à l'intérieur de leurs jambes. Comment on peut imaginer ça, hein? On ne peut pas imaginer des choses comme ça, même si on essaie d'imaginer maintenant. On essaie d'imaginer comment est-ce possible, mais on ne peut pas. Donc ça c'est le raïb, hein? Donc si toi tu commences à vouloir définir ou expliquer le comment de ça, tu parles sans science. Et donc si c'est le cas à propos des créatures, tu ne peux pas dire le comment. Alors qu'est-ce que tu dis de Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses, hein? C'est encore plus grand, hein? Et il dit الواجب به الإيمان به واجب أي بالاستواء على أنه غير مجهول وأنه العلو وكون الإيمان به واجبا لأنه جاء في الكتاب والسنة وما جاء به الكتاب والسنة من أخبار الله ورسوله فإنه يجب الإيمان بها والسؤال عنه بدعة أي عن الاستواء والمراد كيفية الاستواء. Donc le cheikh il dit la foi en cela est obligatoire. La foi en al-istiwa, le fait que al-istiwa il n'est pas inconnu dans la langue arabe et que ça signifie l'élévation. Et le fait que d'y croire est obligatoire puisque c'est venu dans le Coran et dans la Sunna. Donc si quelque chose est mentionné dans le Coran et dans la Sunna à propos d'Allah, hein, Allah il nous l'a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Alors on n'a pas le choix par la suite. Quelqu'un ne peut pas décider « Oh mais ça j'y crois pas ». Non, tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, il faut y croire et c'est une obligation, hein? Et donc le cheikh il dit وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةً, hein? Il dit ensuite وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةً, et de poser la question au sujet du commun de l'istiwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une bid'a, c'est une innovation. Et le cheikh il dit, et qu'est-ce qu'on veut dire ici par la bid'a? Ça peut être compris de deux points de vue, et on l'avait mentionné hier. On parle bien entendu du commun de l'élévation d'Allah sur le trône, et que c'est une bid'a de même poser la question à ce sujet-là. Et le cheikh, il avait expliqué ça de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est, il dit, وَكَانَ السُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةً لِوَجْهَيْنَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنَّ السُّؤَالُ عَنْهُ سُؤَالُ دِينٍ وَسُؤَالٌ عَنِ الْعَقِيدَةِ وَلَمْ يَرِدْ ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم عما يتعلق بالرب عز وجل ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه ولم يقولوا يا رسول الله كيف استوى، وذلك لأدبهم مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم بأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه، ولم يأتي مثل هذه الإرادات إلا من الخلف الخالفين. والوجه الثاني لكونه بدعة أن السؤال عن الكيفية من سمات أهل البدع، فهم يقولون كيف استوى وكيف ينزل وكيف يأتي وكيف يده وكيف وجهه وما أشبه ذلك، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. Donc le Cheikh il dit, le premier point de vue, comment on peut dire que c'est une innovation, c'est que c'est une question sur la religion, une question à propos de la aqida, la croyance. Et on n'a jamais entendu les sahaba poser ce genre de questions. Alors que on sait que aucun parmi les sahaba n'a jamais posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos de comment Allah s'est élevé sur le trône. Alors qu'on sait que les sahaba sont les gens les plus les plus motivés et ceux qui ont le plus de désir de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et d'apprendre à propos de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on prend en considération également que la personne qui est apte à leur répondre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est présent parmi eux, il est capable de leur répondre, il est présent. Donc s'ils avaient posé cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu leur répondre, mais ils n'ont jamais posé ce genre de question, malgré que la cause est présente, c'est-à-dire ils avaient le désir de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et la personne qui peut leur répondre est présente avec eux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a aucun empêchement pour les empêcher de poser la question. Donc la question devait être présente, mais ils n'ont jamais posé cette question, et la raison pourquoi ils ne l'ont pas posée, ils n'ont jamais dit au messager d'Allah comment Allah s'est élevé sur le trône, la raison pourquoi ils n'ont jamais posé cette question, c'est parce qu'ils ont un bon comportement envers Allah et du respect envers Allah et son messager. Ils ne vont pas poser des questions dans lesquelles il y a un dépassement de leurs limites dans la possibilité de comprendre ou de connaître quelque chose. Ça dépasse la limite de ce que nous pouvons comprendre. Et donc on n'a jamais entendu ce genre de questions, excepté chez ceux qui sont venus après, chez les gens de bid'a, parmi les khalaf. Le deuxième point de vue par rapport au fait que de poser cette question c'est une bid'a, c'est que ça fait partie des caractéristiques des gens de l'innovation et de la bid'a, que c'est eux qui posent ce genre de questions. Comment Allah s'élève sur le trône? Comment Allah descend au dernier des cieux? Comment Allah vient au jour de la résurrection? Comment est la main d'Allah? Comment est son visage? Et des questions de ce genre. Donc c'est eux qui ont l'habitude de poser les questions du comment, parce qu'ils veulent, pourquoi ils posent la question sur le comment, alors qu'ils savent très bien que ça fait partie du raïb et que personne ne peut le connaître excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pour laquelle ils posent cette question là c'est parce qu'ils veulent ouvrir la porte à la philosophie et à vouloir philosopher à propos d'Allah et à vouloir patauger dans des discussions interminable au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça les amuse de faire ça, et pour égarer les gens aussi, Allah al-musta'an, parce qu'ils n'ont pas de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que l'imam Malik a dit وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةً. Et il dit وَهَلْ نَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ. الجواب نعم كل الصفات نقول فيها مثل ذلك. فإذا قيل كيف ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا قيل كيف وجه الله نقول إن الوجه معلوم والكيف مجهول إن الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه في الحقيقة قاعدة عظيمة ألهمها الله تعالى الإمام مالك الإمام مالكا رحمه الله، فصارت نبراسا يسير عليه الناس. Donc le cheikh il dit, et donc est-ce qu'on peut poser, on pose la question, est-ce qu'on peut poser, est-ce qu'on peut répondre à, est-ce qu'on peut répondre avec la réponse de l'imam Malik pour toutes les autres attributs, ou que c'est seulement à propos de al-istiwa cette réponse? Et le cheikh il dit non, il dit oui, c'est pour toutes les attributs, on peut utiliser la même réponse. Il dit, lorsque quelqu'un te demande comment Allah descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, hein, chaque nuit, eh bien, tu peux dire, la descente d'Allah est connue dans la langue arabe. On sait ce que ça veut dire, al-nuzul. Et le comment est inconnu, al-kayfu majhul, wal-imanu bihi wajib, c'est obligatoire d'y croire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, wa-su'alu anhu bid'ah. Et de poser la question à ce sujet-là est une innovation. Et il dit, et si on te demande à propos du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cet attribut du visage, eh bien tu peux dire la même chose, le visage est connu dans la langue arabe et le commun du visage d'Allah est inconnu. Et la foi en le fait que Allah a un visage est une obligation, et la question à ce sujet, hein, du commun est une innovation, est une bid'ah. Et donc ça, c'est en réalité, comme le cheikh il le dit, une règle immense et très importante que Allah a inspiré à l'imam Malik rahimahullah, et qui est devenue une référence et une règle que tous les gens doivent suivre, hein? Alhamdulillah. Donc si quelqu'un il connaît cette réponse de l'imam Malik, il va savoir comment répondre à n'importe quelle question au sujet de n'importe quel attribut qui est mentionné à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, tu vas dire ça, la même chose, que Allah subhanahu wa ta'ala il parle. Si quelqu'un il te dit mais comment il parle, tu dis la parole elle est connue et le comment il est inconnu, et la question à ce sujet, hein, la foi en cela est obligatoire et la question à ce sujet est une bid'ah. Hein? Donc ça, c'est la même chose pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos de la main, à propos de la venue d'Allah au jour de la résurrection, à propos du pied, hein, ou bien à propos de la jambe, ou à propos de n'importe quel attribut parmi les attributs qui sont mentionnés dans les textes du Coran et de la Sunna. Tu dis as-sifa yani ma'louma ghayr majhoula wal iman biha wajib, wal iman biha wajib wal kayf majhoul wal su'al anhu bid'a. Donc tu peux le dire pour toutes les attributs sans exception. Et il dit ensuite, le cheikh dit, وَنَقُولُ إِنَّ طَرْدَ لِمَنْ مَالِكَ رَحِمَهُ اللَّهِ لِهَذَا الرَّجُلُ طَرْدٌ فِي مَحَلِّهِ وَالْوَاجِبُ دَفْعُ فَسَادَ الْمُفْسِدِ مَهْمَ كَانَ وَلَوْ فِي أَشْرَفِ الْبُقَعِ وَالشَّاهِدُ أَنَّنَا نُؤْمِنُ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِيزَانٌ مِيزَانٌ قِسْطٌ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ مَعْنَاهَا مَعْلُومٌ كَيْفِيَتُهَا مَجْهُولٌ معناها معلوم وكيفيتها مجهولة والسؤال عن الكيفية بدعة والإيمان بها واجب. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le fait que l'imam Malik a chassé cet homme de l'endroit où il était, c'est-à-dire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique que ça c'est une obligation de repousser la personne qui fait le désordre. Hein, de repousser le désordre de la personne qui fait du désordre, peu importe l'endroit. Il y a des fois, il y a des gens qui disent, hein, comme j'ai expliqué hier, il y a des musulmans, ils disent, oh, mais la mosquée c'est à Allah. La mosquée ça appartient à Allah. Donc vous ne devez pas empêcher quelqu'un de venir à la mosquée. Oui, c'est vrai, la mosquée est à Allah. Mais en même temps, il nous donne la responsabilité de s'en occuper. On ne peut pas laisser à l'intérieur de la mosquée des gens faire n'importe quelle bid'a et faire des innovations dans la mosquée ou faire du désordre dans la mosquée. Si par exemple il y a un groupe maintenant des soufis qui débarquent ici, hein, Tariqat Naqshbandiya ou bien Sahar Wadi, ou Brailouia, ou Rifa'iya, ou n'importe quelle autre tariqa. Ils débarquent ici avec leur costume et avec leur tambour, et ils commencent à tourner, à danser, à sauter, puis à faire le tambour dans la mosquée, puis à crier. Est-ce qu'on va dire, ah, mais ça c'est la mosquée d'Allah, tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent dans la mosquée d'Allah? Allah, il nous a mis en charge de cette mosquée, et il nous a donné la responsabilité de s'en occuper, et d'empêcher les gens qui veulent faire la bid'ah et le désordre de le faire. S'il y a des gens qui veulent venir ici prêcher la aqidah des khawarij, ou la aqidah des shi'ah rafidah, hein, commencent à faire des bid'ah ici, on doit les laisser parce que c'est la mosquée d'Allah? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Hein? Et l'imam Malik, il l'a montré. Il dit, il a ordonné qu'il soit expulsé de la mosquée. Parce que la mosquée, c'est pas un endroit pour que les gens puissent venir faire ce qu'ils veulent. Hein? Commencer à faire des innovations dans la mosquée et faire des bid'ahs. Et donc, le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à la parole de l'imam Malik ici, qu'il a mentionné à propos des attributs d'Allah? C'est que nous croyons que cette parole que l'imam Malik a mentionnée, rahimahullah, eh bien c'est une règle de justice qui s'applique à toutes les attributs. Et dont c'est-à-dire cette règle, c'est de dire que l'attribut, hein, les attributs d'Allah, on connaît leur signification. Le commun de ces attributs-là, on l'ignore. La question à propos du commun, c'est une innovation, parce qu'on ne peut pas connaître le commun des attributs d'Allah. Et la foi en ces attributs-là est une obligation, c'est un devoir, puisque c'est dans la révélation. Et il dit, « Wa amma ahlul bid'ah fa yaqulun istiwa'un istawa bima'na stawla malaka wa qahara wa hadhihi sifatun ma'nawiyya laysat sifatan hissiyya » ويقولون في قوله تعالى ثم استوى على العرش أي ملكه وقهره ولا شك أن قولهم باطل من وجوه وما ذكروه من الوجوه لا يبنى عليه بقية ما يكون من الصفات. Donc le cheikh, il dit, en ce qui concerne les innovateurs et les gens de bid'a, comme les jahmiya, les mu'tazila, les asha'ira, les maturidiya, et tous ces gens-là, ils déforment le sens des attributs d'Allah. Mais en particulier, les Asha'ira et les Maturidiya, ils disent, l'istiwa, ça veut dire l'istawla. Istawa, bima'na istawla. C'est-à-dire, eux, ils disent que Allah, au lieu de dire que ça veut dire istawa ala al-arsh, que ça veut dire qu'il s'est élevé sur le trône, eux, ils disent, ça veut dire qu'il a conquis le trône, qu'il a possédé le trône, qu'il a pris le pouvoir du trône. Et ils disent que c'est une attribut qui est abstraite. Et non une attribut concrète. Donc tout ça, c'est des formes de tahrif, des façons de déformer le sens réel d'une attribut. Et ils disent donc que ثم استوى على العرش, quand Allah il dit qu'il s'est élevé sur le trône, eux ils disent, ça veut dire qu'il a possédé et conquis le trône, pris le pouvoir du trône, et ainsi de suite. Il n'y a pas de doute que cette parole est fausse de plusieurs points de vue, et le cheikh, il va mentionner plusieurs points de vue. Et il dit, ce qu'on dit à propos des points de vue de la fausseté de cette déformation qu'ils font peut être mentionné à propos des autres déformations qu'ils font également à propos d'autres attributs aussi. Il dit par exemple, le premier point de vue qui montre la fausseté de cette déformation de cet attribut de al-istiwa, il dit al-wajh al-awwal anna hadha khilaf dhahir al-lafd wa ma kana khilaf dhahir al-lafd فإنه لا يجوز العدول إليه إلا بدليل وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل ولا سيما في الأمور السمعية التي لا تدرك إلا بالسمع كالأمور الغيبية المحضة فإنه لا يجوز مخالفة ظاهرها إطلاقا أما الأمور العقلية فربما يصرف الإنسان اللفظ عن ظاهره لدلالة عقلية. Donc le cheikh, il donne un exemple. Il dit, premier point de vue qui montre la fausseté de cette déformation du sens qu'ils ont inventé. Premièrement, leur déformation du sens du terme istawa, lorsqu'ils disent que ça veut dire istawla, ou le fait de conquérir ou de prendre le contrôle, c'est en contradiction avec le sens apparent du terme dans la langue arabe. Et la raison de ça, c'est que dans la langue arabe, le terme istawa, on l'a dit, ça veut dire ala wartafa'a. Et le fait de vouloir le faire tourner vers une autre signification qui est contraire à son sens apparent, nécessite une preuve. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est mentionné, hein, dans le Coran, ou dans la Sunna, ou même dans la parole des gens ordinaires, quand on parle, en général, quand on parle, lorsqu'on emploie des mots, on veut dire ce qu'on veut dire, hein, on dit ce qu'on veut dire. C'est-à-dire dans le sens le plus apparent. À moins qu'il y ait une preuve qui indique que ce qu'on est en train de dire, c'est pas dans le sens apparent, mais c'est au deuxième degré ou au troisième degré. Hein. Mais sinon, on doit prendre la parole de quelqu'un dans le sens le plus apparent. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, Aqim al-salah, ça veut dire d'établir la salat. Hein. Tu vas pas commencer à déformer le sens de cette parole, puis dire, mais finalement, qu'est-ce que Allah il demande quand il dit de faire la salat? C'est pas de prier comme on fait, mais c'est plutôt de méditer, de réfléchir sur la création. Hein? Comme certains parmi les batiniyas, hein, ce qu'on appelle al-batiniyoun, les gens qui ont des croyances ésotériques à propos de la révélation. Ils disent, le sens, tous les versets du Coran ont un sens caché, que seuls nous pouvons comprendre, c'est-à-dire ceux qui sont dans leur secte. Comme par exemple les Ismaélites, eux c'est ça leur aqida. Ils croient que tous les versets du Coran ont un sens qui est caché. C'est seulement eux qui peuvent le connaître. Et donc, une fois que, par exemple, Allah il dit dans le Coran quelque chose, ça ne veut pas dire qu'est-ce que toi tu comprends dans le sens apparent. Il y a un autre sens qui est caché en arrière. Et c'est eux qui connaissent le vrai sens de ça. Hein, le sens apparent, ça c'est pour le commun des musulmans. Mais le sens caché, c'est pour les élites ou pour les initiés, ceux qui ont été initiés à leur secret, au secret du sens caché des versets du Coran. Et tout ça c'est batil. Mais il y a des gens parmi les gens qui ont reconnu que ça c'est batil. On ne peut pas dire ça à propos de la parole d'Allah et déformer le sens apparent de ce qui est mentionné dans la révélation. Toutefois, en ce qui concerne les attributs d'Allah, ils le font. Il déforme le sens apparent des attributs d'Allah sans preuve. Donc ici par exemple, quand Allah il dit qu'il s'est élevé sur le trône, le sens apparent c'est qu'il s'est élevé sur le trône. Mais eux ils le déforment et ils l'interprètent par le fait d'avoir conquis le trône ou d'avoir pris le pouvoir sur le trône. Et lorsque tu leur demandes, vous vous basez sur quoi pour dire ça? Puisque dans la langue arabe, il n'y a rien qui indique que istawa ça veut dire istawla. Donc vous vous basez sur quoi dans ce cas-là? Hein? Vous déformez le sens comme ça gratuitement? Elle est où votre preuve? Elle est où le dalil que le sens que vous donnez est un sens voulu à la parole d'Allah, autre que son sens apparent? Et bien entendu, ils n'ont pas de dalil, ils n'ont pas de preuve. Et donc le cheikh il dit, il n'est pas permis de faire sortir un mot de son sens apparent vers un autre sens, excepté avec une preuve de la révélation. Et donc, en particulier au sujet des questions qui ont rapport avec les attributs qui sont révélés et qu'on connaît par la révélation uniquement et qui ne peuvent pas être comprises autre que par la révélation. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas être connus par autre chose que par la révélation. Donc, al-istiwa al-arsh, personne ne peut le connaître. Si Allah n'avait pas révélé dans le Coran que Allah est sur le trône, élevé sur le trône, personne ne pourrait le savoir. Personne n'aurait pu le comprendre par leur logique, excepté parce que Allah l'a mentionné. Donc, ça c'est ce qu'on appelle al-umur al-sam'iyya, les choses qui peuvent uniquement être connues par la révélation. Et il dit, donc les choses qui sont purement raybiya, qui font uniquement partie de ce qui est connu, de ce qui est inconnu, ou bien les choses qui font uniquement partie de ce qui est connu par la révélation seulement, qui font partie purement du ghaib, de l'invisible, qu'on ne peut pas détecter ou comprendre par la raison, il faut les accepter dans leur sens apparent. Et pour les faire sortir de leur sens apparent, il faut pour cela avoir une preuve de la révélation. Et c'est pour ça que parfois les gens de bid'a, ils appellent les gens de la sunna, ils les appellent les gens du zahir, ahlul zahir, les gens du sens apparent. Et ils appellent des fois quand ils parlent des gens qui sont sur la salafia, ils disent c'est des littéralistes, ou bien c'est des gens qui prennent les choses à la lettre. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de prendre la révélation excepté que de la prendre dans son sens apparent et à la lettre. À moins qu'il y ait une preuve de la révélation qui nous permette de la prendre autrement que dans son sens à la lettre et dans son sens littéral. Et de prendre le verset ou les choses qui sont mentionnées par Allah dans son sens littéral, ça ne veut pas dire que tu prends un verset tout seul, hors de son contexte, puis que tu essaies de l'appliquer tout seul. C'est pas ça le sens apparent. Le sens apparent de la révélation, c'est de prendre, à propos d'un sujet, tous les versets et tous les hadiths qui parlent de ce sujet-là. Puis, de les analyser et de les comprendre réunis pour comprendre les conditions et les règles qui s'appliquent à la question, avant de faire un verdict. Mais de prendre un verset tout seul, hors de son contexte, puis que tu veux l'appliquer sans tenir compte des autres versets qui parlent du même sujet, et des hadiths qui parlent du même sujet pour comprendre les détails de la question, et que tu dis par la suite, c'est ça le sens apparent du verset, ça c'est faux. Ça c'est pas le sens apparent du verset. Ça c'est un verset que tu as pris hors de son contexte et tu essaies de l'appliquer tout seul, sans compréhension. Et les salafs, c'est pas ça qu'ils faisaient. Les salafs, les sahaba, les tabi'in, les ulama, les imams de la umma, quand ils veulent analyser une question, quand ils veulent comprendre un sujet, ils prennent pas juste un seul verset sur une question. Ils prennent tous les versets qui parlent de ce sujet, tous les hadiths qui parlent de ce sujet, et ils les analysent. Après, ils ramènent le verdict. Après, ils ramènent le hukum. C'est comme ça. Donc ça, c'est dans ce cas-là, tu vas dire oui, ça c'est le sens apparent. Mais de prendre un verset puis de l'appliquer tel quel, non, ça c'est pas, si tu prends pas compte du reste de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là, dans ce cas-là, ça c'est pas le sens apparent. Aussi, il y en a qui, quand ils disent al-zahir, quand ils utilisent le terme zahir ou bien al-zahiriya, ils font référence au madhhab de Daoud al-Zahiri ou bien de Ibn Hazm al-Andalusi, qu'on appelle al-madhhab al-Zahiri. Et ça, c'est autre chose complètement différent. Ça a rapport plus avec le fiqh. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens du madhhab al-zahiri? C'est qu'ils renient le qiyas. Al-qiyas, l'analogie, qui fait partie d'un des fondements, parmi les fondements de la sharia. Les ulama, ils disent que la sharia est basée sur al-kitab, wa-sunnah, wal-ijma' wal-qiyas. Ça, c'est les quatre grands fondements qui sont unanimement acceptés ou en grande partie acceptés par les imams d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Et donc, al-Qiyas, s'il est fait selon les règles et les conditions de la religion, il est accepté par les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, al-Shafi'i et Ahmad. Sauf que al-Zahiriya, eux, non, ils refusent le Qiyas. Ils disent chaque question et chaque sujet doit être mentionné avec un texte. Et ils ne vont jamais sortir du texte ou essayer de comprendre le texte d'une autre façon que ce qui est son sens apparent, sans, même si des fois il y a des analogies possibles à faire entre des éléments. Donc, les imams, les ulama, ils les ont réfutés là-dessus. Ils les ont critiqués là-dessus. Ibn Taymiyyah, il réfute ça. Pourtant, tu vois que certains chercheurs parmi les orientaux, les orientalistes, comme on les appelle, ils parlent d'Ibn Taymiyyah des fois, ils disent c'est un zahiri. Ou ils disent qu'il fait partie des littéralistes. Alors qu'au contraire, ils réfutaient les zahiriyyah. Ils réfutaient le madhhab al-zahiri. Et si vous regardez dans son livre Al-Istiqama, il mentionne des points là-dessus, et dans d'autres de ses livres aussi. Donc, des fois, les gens, ils mentionnent ces termes-là à tort et à travers. Et quand vous regardez dans les livres de Usul al-Fiqh, vous regardez, par exemple, quand il parle des ulama, il parle de al-dhahir, al-nas, ou al-dhahir, ou al-muta'awwal, al-nas al-muta'awwal, ou bien pas al-nas al-muta'awwal, mais plutôt al-dhahir al-muta'awwal. En tout cas, il parle du terme qui est employé, par exemple, dans son sens qui est apparent. Il peut avoir un autre sens, mais le sens qui est apparent, c'est le sens qui est à prendre en premier lieu, à moins qu'il y ait une preuve qui le fasse sortir de son sens apparent, comme le cheikh il explique ici. Il dit, si c'est des questions qui sont reliées à la révélation, donc ça prend une révélation pour le faire sortir de son sens apparent, une preuve de la révélation. Si c'est des choses qui sont établies par la raison, des choses rationnelles, dans ce cas-là, on ne peut pas faire sortir la chose en question ou le terme en question de son sens apparent, sauf avec une preuve rationnelle. Ça, c'est dans les affaires qui ont un lien avec les questions rationnelles et non les questions de la croyance. Mais le problème avec les gens de Bid'a, c'est qu'ils ont fait de la croyance une question basée sur la raison, parce qu'ils veulent philosopher avec la foi. Ils veulent philosopher avec le raïb. C'est des gens, ils veulent parler de Allah en se basant sur la philosophie. Ils veulent essayer de comprendre qui est Allah et comment est Allah en se basant sur la raison humaine. Ils veulent essayer de comprendre le qadar en se basant sur la logique et la raison humaine. Et ça, bien entendu, c'est des portes vers l'égarement, parce que tu ne peux pas parler du raïb sans révélation. Al-wajh al-thani annahu khilaf ijma' as-salaf. أنه خلاف إجماع السلف فما من أحد من السلف قال استوى الله على العرش أي ملكه أو قاهره إطلاقا. Le deuxième point de vue pour répondre à ces gens qui déforment le sens des attributs d'Allah ou qui disent que al-istiwa ça veut dire istawla, eh bien c'est que les salafs n'ont jamais dit ça. Ils contredisent en fait le consensus des salafs. Ils contredisent le consensus des imams des salafs. Et il dit, tu ne vas jamais trouver aucun d'entre les salafs qui a dit que le fait qu'Allah s'est élevé sur le trône signifie de prendre le pouvoir ou de posséder ou de maîtriser le trône. Aucun d'entre les salafs n'a jamais dit ça. Au contraire, ils ont la plupart d'entre eux, et ils ont presque tous dit, ou bien sinon, ceux qui n'ont pas mentionné rien à ce sujet-là en détail, mais sinon, tous ceux qui ont parlé à ce sujet-là, lorsqu'ils ont parlé de l'istiwa à l'arsh, ils ont mentionné le fait que Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Et c'est ça la signification de Al-Istiwa lorsque on lit la parole des salafs. Aucun d'entre eux n'a mentionné Al-Istiwa, Al-Istila, ou Al-Haymana, ou bien Al-Qahar, ou Al-Ghalaba, ou des choses de ce genre. Ça, c'est spécifiquement venu parmi les gens de Bid'a par la suite. الوجه الثالث أنه يلزم عليه لوازم باطلة. Il dit le cheikh que le troisième point de vue qu'on peut tirer pour répondre à cette montrer la fausseté de cette déformation du sens de al-istiwa, c'est que ça implique des choses totalement fausses. Et on en a déjà mentionné des exemples de ça. Et là, le cheikh il en mentionne quatre choses qui sont des implications dangereuses et fausses à propos du fait de dire que al-istiwa signifie de prendre le contrôle du trône et non pas de s'élever sur le trône. Le premier, il dit awwalan an yakuna al-arsh mulkan li ghayrillah thumma malakahu bil mughalaba. Wa wajhu hadha al-lazim annahu qala thumma istawa 'ala al-arsh. Fa inna thumma tufid at-tartib. وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض ومن المعلوم أن العرش مملوك لله قبل خلق السماوات والأرض. Donc le cheikh il dit la première implication qui est fausse du fait de dire que al-istiwa signifie al-istawla, c'est que le trône, ça implique, si tu dis que ça veut dire qu'il a pris le contrôle du trône ou qu'il a conquis le trône, ça voudrait dire qu'il y avait quelqu'un d'autre qui possédait le trône avant Allah. Ça c'est batil. Et qu'après il a réussi à prendre le pouvoir sur le trône et à conquérir le trône, hein, après avoir créé les cieux et la terre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Il a créé les cieux et la terre en six jours, puis ensuite, il s'est élevé sur le trône. Eux, ils disent, puis ensuite, il a pris le contrôle sur le trône, ou il a conquis le trône. Ça veut dire qu'avant d'avoir créé les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'avait pas le contrôle du trône. Il n'était pas le maître du trône. Il n'avait pas conquis le trône avant ça. Donc ça veut dire que quelqu'un d'autre avant lui possédait le trône et Allah l'a détrôné et il a repris son trône. Ça c'est batil. Hein? Parce qu'on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala était le maître du trône avant d'avoir créé les cieux et la terre aussi. D'accord? Ça c'est le premier exemple des implications qui sont fausses de ce que prétendent les gens de Bid'a parmi les Asha'ira et les Maturidi et les Ahbash. Il dit ثانيا أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله استوى على العرض وأنه مستول عليها ولا أحد من العلماء علماء الأمة يقول إنه يجوز أن نقول أن الله استوى على الأرض أبدا. Et le cheikh il dit comme point numéro 2 que si tu dis que le terme istawa, ça signifie staula, le fait que Allah s'est élevé sur, que ça signifie staula, prendre le contrôle ou prendre le pouvoir, ça voudrait dire que dans ce cas-là, on a le droit de dire que Allah istawa ala al-ard, que Allah istawa sur la terre, puisque ça veut dire de prendre le contrôle. Allah a le contrôle de la terre, donc tu devrais pouvoir dire dans ce cas-là istawa ala al-ard, istawa ala الناس استوى على فلان وعلى فلان وعلى يعني هذا الشيء وهذا الشيء. Il y a aucun pourtant parmi les ulama, il y a aucun des ulama qui a dit qu'on a le droit de dire que Allah est mustawin على شيء غير العرش, يعني comme que de dire qu'il a il est mustawin على الأرض ou des choses de ce genre. Non, الاستواء c'est particulier pour le arche seulement, pas pour les autres créatures. Hein? Et ici, après le cheikh, je pense qu'il y a une erreur peut-être dans l'impression, en fait, parce qu'il a mentionné Rabi' alors qu'il n'y a pas de Thalith. Donc c'est probablement une erreur ici. Donc c'est Thalith et non Rabi'. Peut-être une erreur d'impression. Donc il dit Thalith, Al-Wajh Thalith. أن هذا مخالف للغة مخالف للغة يعني مخالف للغة العربية فلم تأتي استوى في اللغة العربية بمعنى استولى أبدا وارجع إلى القواميس كلها وستجد أن استوى لم يكن بمعنى استولى ولكن زعم بعضهم أن استوى تأتي في اللغة العربية بمعنى استولى واستدل بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي وهنا استوى بمعنى استولى لأنه لا يمكن أن نقول استوى على العراق أي يعلو عليها. فجوابنا على هذا البيت نقول أولا هذا البيت لا يعرف قائله وإذا كان الحديث النبوي إذا كان راويه مجهولا لا يقبل وهذا مثله أو أولى وقائل هذا البيت غير معروف ولو قلنا كل بيت مصنوع شاهدا على اللغة العربية وحاكما عليها لكان كل واحد يستطيع أن ينظم ما شاء من الأبيات ويقول هذا معناه كذا لقول الشاعر العربي الفسيح ثم يأتينا من هذه من عنده بأبيات كلها هراء ولو فرضنا أن قائله معروف فمتى قاله؟ أليس اللسان العربي قد تغير منذ أن انتشرت الفتوحات؟ بلى. فيجوز أن يكون هذا من بعد تغير اللسان. وثالثا على فرض أن قائله معروف وأنه قبل أن يتغير اللسان فإننا نقول استوى هنا بمعنى على علوا معنويا، أي صارت له الكلمة العليا في العراق، فإن سلم الأمر فهذا واضح، وإن لم يسلم قال لا تأتي استوى بمعنى العلو المعنوي. ها؟ قلنا استوى بمعنى استولى لوجود المانع من العلو الحسي فيحمل على الاستيلاء، وبهذا عرف أنه لا دليل لمن فسر استواء الله على عرشه بأنه استيلاؤه عليه. أي نعم. وأما الاستواء وأما من فسر الاستواء بالجلوس فإن بعض العلماء قال استوى على العرش يعني جلس عليه، لكن لا يجوز أن نطلقها إلا إذا جاءت عن الله ورسوله، ولا نقول هكذا. بعضهم تجاوز، لكن نحن نقول لا نتعدى القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فهذه أمور غيبية لا ندركها. فمثلا الشجر الأخضر تخرج من النار بضرب الزند، وهو شجر أخضر رطب وبارد، فتخرج منه النار وهي حارة يابسة، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني فقدرة الله فوق قدرتنا، ولا أحد يتصور ما لله عز وجل من الكمال والقدرة أبدا. فلا تتجاوز القرآن والحديث في الصفات إطلاقا، ولا تجاوزها ولا تقصر عنها، واجعل نفسك تابعا لنصوص الكتاب والسنة حتى تستريح وحتى لا يلعب عليك الشيطان. Donc le cheikh il dit la troisième explication par rapport aux choses qui sont impliquées par le fait de dire que istiwa signifie staula, que Allah a pris le contrôle du trône, de l'interpréter de cette manière. Il dit que troisièmement que ça c'est en contradiction avec la langue arabe. Dans la langue arabe, il y a nulle part on retrouve que istawa ça signifie staula, nulle part que istawa signifie de conquérir ou de prendre le pouvoir ou d'avoir le contrôle. Hein? Et si tu retournes à tous les dictionnaires de la langue arabe, et quand on dit les dictionnaires de la langue arabe, on parle bien entendu des dictionnaires de la langue arabe classique et non les dictionnaires modernes d'arabe moderne. Parce que les dictionnaires d'arabe moderne, ils sont écrits par des gens de notre époque. Et si ces gens-là ont été influencés par la aqida des Asha'ira ou des Maturidiyya ou des Mu'tazila, ils vont interpréter les termes selon la signification de leur passion et non selon la signification qui est rapportée dans les dictionnaires d'arabe de la langue classique, de l'arabe classique. Donc il faut retourner au dictionnaire de la langue arabe qui se réfère à la parole des Arabes à l'époque de la révélation. Hein? Les dictionnaires de la langue arabe classique et qui ramènent leur définition aux paroles des Arabes. Hein? À l'arabe. On connaît la langue arabe par la parole des Arabes. C'est comme ça qu'on connaît la signification de l'arabe. Et donc, les ulama en général, quand ils se réfèrent à des choses, ils ramènent toujours des shawahid, des paroles, des poésies des Arabes de la période pré-islamique. Ou bien des paroles des sahaba ou des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre la signification des mots. Mais pas des paroles des gens qui sont venus après que les Arabes ont commencé à mélanger leurs langues. Hein? C'est pour ça que parfois les gens de Bid'a, ils ramènent une poésie. Ils amènent une poésie qu'ils citent comme argument ou comme preuve pour justifier leur déformation du sens. Et c'est le vers de poésie qui dit قَدْ إِسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ. Ça veut dire Bishr a pris il l'interprète ici comme étant le fait d'avoir pris le pouvoir sur l'Irak. Bishr a pris le pouvoir sur l'Irak مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ sans épée أَوْ دَمٍ مُهْرَاقِ ou bien sans faire couler du sang. Bishr a pris le pouvoir sur l'Irak sans épée et sans faire couler le sang. Donc eux, ils se basent ici sur le fait de dire que Istawa signifie Istawla, c'est-à-dire il a pris le pouvoir, hein? Il a conquis l'Irak. Et parce qu'ils disent que c'est pas possible ici de dire qu'il s'est élevé sur l'Irak. Et le cheikh, il dit, premièrement, on ne sait même pas qui a dit ça. Il dit, premièrement, on ne sait même pas qui a rapporté cette parole. Hein? Ce poème, il est inconnu. L'auteur de ce poème, il est inconnu. Et il dit, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si le rapporteur est inconnu, il n'est même pas accepté. Et ça, ici, ce n'est même pas un hadith. Donc, comment tu peux te baser là-dessus, en plus, pour essayer d'établir un point dans la aqidah? Il dit, donc il n'est pas connu, et si on acceptait tous les vers de poésie qui sont fabriqués comme preuve pour justifier une signification dans la langue arabe, hein, et comme juge dans la langue arabe, alors dans ce cas-là, on pourrait prouver n'importe quoi. On pourrait prouver tout ce qu'on veut, hein, parce que n'importe qui pourrait dire quelque chose, hein, et prétendre que ça fait partie de la langue arabe. Deuxièmement, si on suppose qu'on connaît la personne qui a dit cette parole, à quelle époque est-ce qu'elle l'a dit? Est-ce qu'elle l'a dit? Ce poème ou ce vers de poésie, est-ce que c'est avant que la langue arabe change et que les musulmans fassent des conquêtes et qu'ils se mélangent avec les autres peuples qui a fait que la langue arabe s'est mélangé par la suite, ou bien que c'était avant? Hein, parce qu'avant, les Arabes étaient juste entre eux. Ils parlaient l'arabe entre eux, donc il n'y avait pas de mélange de la langue. Mais lorsque les gens ont commencé à se mélanger avec les autres, et qu'ils ont commencé à déformer les règles de l'arabe, et changer l'arabe, alors là, à ce moment-là, hein, les gens ont commencé à parler n'importe comment. Et là, on peut plus se baser sur les gens de cette époque-là comme référence pour la langue arabe. Et il dit, troisièmement, supposons qu'on connaissait qui l'a dit et qu'on est certain que c'était avant le changement de la langue. Hein? Dans ce cas-là, on dirait, istawa dans cette parole-là signifie une élévation symbolique ou abstraite. Hein? Ça veut dire que c'est lui qui a la parole la plus haute en Irak. Et ce serait dans ce cas-là le sens apparent, clair, de ce que le poète a voulu dire. Et si par contre il s'objecte en disant non, on ne peut pas dire istawa dans un sens d'élévation abstraite, ça ne se dit pas, ou ça c'est pas possible. Eh bien, dans ce cas-là, on dirait que istawa ici, c'est dans le sens d'istawla à cause de l'empêchement de dire une élévation réelle, hein? Et donc on pourrait supposer que ce serait sur le sens de Al-Istila parce qu'il y a une justification, hein? Mais ça, ce serait uniquement par rapport à la parole des créatures, une parole d'un être humain, mais pas par rapport à ce que Allah dit dans le Coran du fait qu'il est au-dessus de son trône, hein? Ça, c'est pas, on peut pas l'utiliser comme preuve que, hein, Allah, il ne s'est pas élevé sur son trône et qu'il est, il a uniquement conquis le trône. Parce que eux, quand ils disent qu'il a conquis le trône, c'est pour nier qu'il s'est élevé dessus. Hein? C'est pour nier qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Donc, c'est ça le danger, en fait. Il dit que, en ce qui concerne ceux qui veulent interpréter al-istiwa et de dire que ça veut dire le fait de s'asseoir, Et souvent, quand vous lisez les livres des Ahbash, ou quand ils veulent critiquer les Ahbash, les Asha'ira, ils veulent critiquer les gens de la, les Salafiyya, les gens de la Salafiyya, les ulama Salafiyyin, ils veulent les critiquer. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: ah, vous dites que Allah est assis sur le trône. Vous dites Allah est assis sur le trône. Alors que personne n'a jamais mentionné le terme julus. En arabe, le terme s'asseoir, on dit jalasa. Le verbe, c'est jalasa yajlisu. Julusan. Ça, c'est le verbe, hein, de s'asseoir. Et nous, quand on parle à propos d'Allah, on n'a jamais dit Allahu jalas. Ou jalas Allahu ala l'arsh. Jamais on a dit ça. On dit istawa, hein, Allah istawa ala l'arsh. Thumma istawa ala l'arsh. Et al-istiwa, le sens, c'est pas al-julus. Hein, ici. Et il dit que certains ulama ont dit dans le sens de jalasa. C'est rapporté dans certaines paroles de certains ulama. Mais le cheikh, il dit, il n'est pas permis de l'utiliser, de l'employer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui est venu dans les textes. Et c'est toujours préférable, lorsqu'on parle d'Allah, de se limiter à ce qui est rapporté dans les paroles d'Allah et dans les paroles du messager, sallallahu alayhi wa sallam, uniquement. Tout ce qui a été, même si ça avait été rapporté par des imams ou par des ulama de Ahlus Sunnah, le terme jalasa ou l'interprétation de dire que ça veut dire jalasa alayhi, nous on ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'il est préférable, et c'est toujours plus sûr, de se limiter à la parole d'Allah et de son messager, et de ne pas dépasser le Coran et la Sunna. Hein? Il dit, comme l'imam Ahmad, il a dit, ce sont des choses de l'invisible, et on ne doit pas, hein, les dépasser, parce qu'on ne peut pas les comprendre. Il dit l'exemple aussi de l'arbre vert qui est dans l'enfer. C'est un arbre qui est dans l'enfer, dans le feu et la chaleur, et pourtant il est vert, hein, il est frais, hein, il est vert et il est frais, et il est dans l'enfer, subhanallah, et il crache du feu, hein, c'est un arbre qui laisse sortir du feu, hein. Donc comment quelqu'un peut comprendre qu'un arbre soit frais et vert et dans l'enfer en même temps, hein, alors que l'enfer c'est chaud et c'est sec? Eh bien, il dit, الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا. Il le dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat, je pense que c'est dans surat Al-Waqi'ah, ou dans surat Al-Rahman. الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا. C'est dans surat, soit Al-Waqi'ah ou Al-Rahman, une des deux, je ne me rappelle plus. Et il dit donc, la puissance d'Allah, elle est au-dessus de notre puissance, et personne peut imaginer, hein, la perfection d'Allah et la toute puissance d'Allah. Donc comment on pourrait essayer de dépasser la limite et de mentionner à propos d'Allah ce qui dépasse ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna? On ne doit pas faire ça. Donc il ne faut pas dépasser, hein, et il ne faut pas non plus retirer ou enlever qu'est-ce que Allah a mentionné, ou déformer ce que Allah a mentionné. On se limite à ce qu'il a dit. S'il l'a affirmé, on l'affirme. S'il l'a nié, on le nie. Mais s'il n'a ni affirmé ni nié, on s'abstient. Hein? Et il dit donc, اجعل نفسك تابعا. Donc, fais en sorte que tu sois toujours à la suite des textes du Coran et de la Sunna, pour que tu sois en paix. Hein? Et que tu vas éviter de rentrer, hein, de rentrer dans des problèmes, et que le shaitan il joue avec toi par la suite. Donc si tu te limites au texte, personne ne peut jouer avec toi, personne ne peut rien faire avec toi, hein. T'es protégé parce que tu te limites à la parole d'Allah. Et non, donc le shaykh il dit فَهَذِهِ مَسَائِلَ ضَحْدٍ وَمَزِلَّةٍ فَيَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَسْلُكَ مَا سَلَكَهُ السَّلَفْ فِيهَا وهو الأخذ بظاهر النصوص مع العلم أن هذا الظاهر لا يمكن أن يحمل على مماثلة الله بالخلق لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال ولقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا والآيات في والآيات في هذا كثيرة. Donc ces questions, c'est des questions sur lesquelles beaucoup de gens ont dévié ou se sont trompés. C'est un terrain glissant. Si tu marches dessus sans faire attention, tu risques de tomber facilement dans une erreur. Alors, il est obligatoire de suivre le chemin qui a été emprunté par les salafs au sujet de ces questions-là et de prendre ce qui est apparent des textes de la révélation, tout en sachant que ce sens qui est apparent, il ne peut pas être compris par la comparaison entre Allah et sa création, puisque rien ne ressemble à Allah, rien n'est comparable à lui. Laysa kamithlihi shay. Donc si tu vois par exemple dans un verset ou dans un hadith une parole qui mentionne un attribut d'Allah et que tu vois que cet attribut elle est présente chez des créatures aussi, mais sache que le fait qu'il y ait une similarité dans l'attribut, ça n'implique pas une similarité dans la réalité de l'attribut elle-même, puisque l'attribut du créateur elle convient au créateur et l'attribut de la créature elle convient à la créature. Il n'y a pas de comparaison possible entre les deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, verset 74, ne donnez pas à Allah des comparaisons. Et il dit dans le verset 22 dans surat al-Baqarah فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Donc tout ça c'est des preuves qu'il faut se limiter à ce que Allah a révélé. Et aussi on ne dit pas كيف لا يمكن أن يكيف لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. La preuve qu'on ne doit pas demander le commun, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de dire à propos d'Allah ce qu'on ne sait pas, le verset 33 dans surat al-A'raf. Et aussi il a dit ولا تقف ما ليس لك به علم, le verset 36 dans surat al-Isra. Ne rentre pas ou ne dis pas ce que tu sais pas. Ne dis pas ce que tu sais pas. Donc ça implique que tu ne dois pas parler du commun puisque tu ne connais pas le commun. فَبْنُوا الْعَقِيدَ عَلَى هَذَا وَخُذُوا بِالظَّاهِرِ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ أَلَيْسَ اللَّهُ قَدْ قَالَ عَبْدِي جِئْتُ فَلَمْ تُطْعِمْنِي عَبْدِي مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي نَقُولُ بَلَى قَدْ قَالَهُ لكن هل سكت الله؟ لا بل بينا فقال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه ومرض فلم تعده فإذا أراد الله خلاف الظاهر فلا بد أن يبينه أو يبينه رسوله فإذا لم يبينه الله ورسوله فاعلم أن الظاهر مقصود. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Naam. Ok. Que c'est une contradiction avec la langue arabe. Dans le point quand j'ai expliqué à propos des dictionnaires. Ouais. Donc, ça, c'était le point numéro 3. Que c'est en contradiction avec la langue arabe classique. Le fait de dire que istawa signifie istawla, ça n'existe pas dans la langue arabe. Et il dit, regarde tous les dictionnaires de la langue arabe classique, tu vas pas trouver ça. Regarde dans les dictionnaires de la langue arabe classique, tu vas pas trouver ça. Et la dernière parole qu'on a traduite, c'est le cheikh, il a dit, tu dois établir ta aqida sur ça, sur le fait de ne pas faire de comparaison entre Allah et la création et le pas de demander le commun. Tu bâtis ta aqida sur ça, tu prends dans toute chose ce qui est apparent. Et si quelqu'un te dit par exemple, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô mon serviteur, j'ai eu faim et tu ne m'as pas nourri. Ô mon serviteur, j'ai été malade et tu ne m'as pas visité. Et ça c'est rapporté par l'imam muslim selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Alors eux ils disent, est-ce que ça, vous, dans ce cas-là, vous allez dire que Allah il a faim, il est malade? Le cheikh il répond, il dit, Allah il a dit ça, mais est-ce qu'il s'est, il s'est tu par la suite, il n'a pas complété, il n'a pas expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, si tu regardes la suite du hadith, tu vois qu'il a expliqué ce qu'il a voulu dire. Et il a dit, n'as-tu pas su que mon serviteur, un tel, était mal, avait faim et tu ne l'as pas nourri? N'as-tu pas su que mon serviteur était malade et tu ne l'as pas visité? C'est ça qu'il voulait dire. Donc ce n'est pas dans le sens que lui, il a faim ou lui, il est malade. Non, il parle de son serviteur et en voulant dire que si tu fais du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te récompenser pour ça. C'est, le sens, quand il n'est pas apparent, Allah il l'explique tout le temps. Et le messager il l'explique tout le temps. Si le sens il n'est pas apparent, il l'explique. Hein? Et si il ne l'explique, si il ne l'explique pas, alors dans ce cas-là, ça veut dire que c'est son sens apparent qui est voulu. D'accord? Et c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, il n'est pas croyant celui qui mange alors qu'il sait que son frère n'a rien à manger. Il a faim. Toi, tu es chez toi, tu manges à ta faim et tu sais que ton voisin, ton voisin, il n'a rien à manger et toi, tu continues, tu manges quand même, tu ne lui donnes rien à manger. Dans ce cas-là, c'est un signe que ta foi, elle est faible. Hein? Tu n'es pas un vrai croyant. Ta foi, elle n'est pas complète dans ce cas-là. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis on continuera la suite la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفيكم بركه ان شاء الله.